Que on nous arrange bien, nous nous carallonger. Ah. Ma fille, ya. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Frié, repeat, y'a blabla pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Frié, repeat, y'a blabla pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Depuis l'époque du primaire, faut savoir nous j'ai grandi. Certains réussi, y'avait d'autres j'avais une bandit. Certains enterrés, et d'autres finants et terribles. Villa ça terrible, et parcours la pénible. Très peu béni, y'a dans ouais, nous qu'a baigné. Paquet de péril pour saquer, nous qu'a saigné. Soldats guéris, qu'a goumé pour vivre meilleur. Nous voulons être libre d'un problème, nous qu'a nayer. Mais, on essayé, mon dieu, on essayé. Diable avait séduit, mais faut pas ou céder. Hein? Pas effrayé, vive lié, pas freiné. En sa vie la règle, sentiment en sous-séné. Yo, c'est où yeah. L'homme ou la ira richet. Et nous, nous pauvres, nous au plus bas de l'échelle. On s'élevit, ou pas ni doit laisser. Vie nous brouillons parce que nous m'a fait rêve. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Frié, repeat, diable pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Frié, repeat, diable pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Fui la mif, tout ça c'est pour un temps. R.I.P. qu'a résonné combat longtemps. Nous qui rêvons nous bientôt dans pas longtemps. L'été en villa ça pour bailler en sens. Fuck la chance, c'est travail qu'a payé. Maman pas pleuré, si mon n'a qu'à gérer. Qu'est-ce que moi serré, chaque fois un paix dans poche. Un paquet sombré, un éclairé, un nid en torche. Fidèle au poste pour un pas rater le coche. Ouvrez les portes sinon nous qu'a rentré en force. Fui le wap, fui la yo, fui Jano. Free Tom Scott, si tout n'est pas dino. Free la wow, le fresh et Ludo. R.I.P. Mama Leslie et Pacha. R.I.P. Danny B.G. et Fraca. Tassi Nicole et Christian, on se reverra. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Free R.I.P. diable pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Free R.I.P. diable pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Yeah. Ma fille, ya. Trexy. Hein? R.I.P. Fui. Hein? Louis 6, ma fille, ya. Ouais. Dans la capacité qu'a passé. Hein? Dans la capacité qu'a passé. Ouais. Dans la capacité qu'a passé. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Frié, repeat, y'a blabla pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Dans la capacité qu'a passé, un lobby déjà changé. Quand ma rêve est mauvais, t'es en plein bite, t'es en cas songé. Frié, repeat, y'a blabla pas qu'à point congé. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Frérot, squad, trexie. Qu'est-ce que nous j'arrangez, peine nous nous carallonger. Fui. Nous brouillons parce que ton café est vert.